Ah, dis-moi bon. C'est bon. Dis-moi bon, allez, on y va. Hein. Bon. Un, deux, trois. J'avais 11 ans, nul poil aux pattes. J'étais dans le paradis, moisi des amours crétines. J'étais en tout tour d'ange. Et nourri de beefsteak. Dévalait les veaux, le vêtement sur les oreilles. J'écoutais de la musique comme ça. C'est extra ça. Ouais. Avant de faire du bruit comme ça. Je glissais sur l'herbe verte comme ses souvenirs. Putain, c'est un vrai poète ce mec. Comme ses souvenirs, donc je me rappelle au jour d'aujourd'hui. Glissais sur l'herbe verte. Glissais sous la pluie. Glisser sous les coudes, glisser sur les cailloux, glisser sur l'herbe, que mêler dans le champ. Ouh, ça fait mal. Je coule entre deux roues. De la terre sur la tête, du verre sur les joues et du sang sur les genoux. Je rouvre à tous mes yeux ensemble. Et devant moi, oh, mystère de la création. Mais qui que c'était? Mais qui que c'était? Mais allez, dis-nous. La moindre rasade. solide vintègre est parti d'un rire moqueur. Et aussitôt elle tourna. Pauline, je t'aimais, t'aimais pas, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, ah, Pauline, ah, Pauline, ah, Pauline.